your soul. You've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. As it was, as it was. down in the city. All I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run. Last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. FC Radio, moi c'est Arnaud. Après la pause info qui arrive là maintenant, je vous ai mis Ed Sheeran, Eyes Closed pour la playlist de l'été et puis Chumba Wamba aussi avec Top Shopping. Il est tout juste midi, allons-y. FC Radio, on retrouve la météo avec Jérémy, salut. Salut Arnaud, salut à tous. Une météo qui conserve une couleur ensoleillée cet après-midi dans l'Ain et côté Mercure, bah c'est déjà pas mal. 23 à Saint-Martin-du-Mont, on aura 25 à Trévoux, 24 à Artemar. Et puis on va poursuivre avec du soleil éclatant demain, mais surtout jeudi 29 degrés attendus au maxi. La brasserie du lac à la plaine tonique de Malafreta a été victime d'un incendie tôt ce matin. Selon nos éléments, le feu a bien endommagé donc ce commerce. Une quarantaine de pompiers est intervenue vers 3h30 du mat alors que des flammes et des fumées s'échappaient de la toiture. L'origine du sinistre pour l'heure est indéterminée. Les dégâts sont importants. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. La nuit a été agitée aussi pour les habitants d'un immeuble de Valserone. Ils ont été réveillés en pleine nuit vers 1h du matin rue Jean Jaurès pour un feu qui s'est déclaré dans un appartement. Selon nos éléments, le sinistre est parti d'un balcon. Au total, pendant l'intervention, 20 logements, 14 familles ont été évacuées. Une famille a dû être relogée. Une personne âgée a été incommodée par les fumées. Elle a été hospitalisée à Annecy pour des examens. Un immeuble de la rue Thomas Ribou à Bourg a dû être évacué. Lui aussi, hier après-midi, les pompiers ont été alertés. Là, parce qu'une poutre maîtresse de l'immeuble au rez-de-chaussée fragilisée menaçait de s'effondrer. Les pompiers l'ont consolidée. En attendant, la municipalité burgienne a pris un arrêté d'interdiction d'entrée. Il y aura une expertise qui va être menée. 3 occupants ont été évacués, ont été relogés dans l'attente donc de cette expertise. Une voiture finie dans la rivière Les Us à Seyssel en Haute-Savoie. La conductrice et son compagnon indinois se sont tous les deux endormis hier vers 17h. Ils roulaient sur la route départementale 992. Le véhicule a traversé la route. Il a percuté un poteau télécom et chuté d'une dizaine de mètres dans la rivière. Ce couple a été récupéré par les pompiers et évacué au centre hospitalier d'Annecy. Par ailleurs, on reparle aujourd'hui du soulèvement de la terre. Ce mouvement était à l'origine de la manifestation contre les méga-bassines de Sainte-Soline en mars dernier. Il avait donné lieu à de violents affrontements. Et bien, à 15h cet après-midi, le Conseil d'État va examiner un référé des soulèvements de la terre contre leur dissolution. Cette décision avait été prise par le gouvernement le 21 juin. Pour les membres des soulèvements de la terre, cette dissolution porte atteinte aux libertés d'association et d'expression. Et puis, l'événement sport du jour, c'est bien sûr du foot. Dans moins d'une heure sur M6, France-Maroc, 8e de finale de la Coupe du Monde de foot féminin. En cas de victoire, les filles d'Hervé Renard vont affronter l'Australie, le pays organisateur. 12h03 sur FC Radio, je vous laisse avec Chuba Wemba. Sur FC Radio, plus de musique pop. Just dancing with my eyes closed, 'cause

quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. FC Radio pour Cambrai. I'm FC Radio, c'est 30 minutes de musique pop. Sans pub. FC Radio. Winning. Vous écoutez FC Radio avec Earth, Wind and Fire, September. C'est pas prêt de s'arrêter, hein, cette demi-heure sans pub avec Suzanne Vega qui arrive, Luca. Et puis Måneskin aussi, Damiano, Victoria, Thomas et Ethan, les quatre de Måneskin. Ah, ça, ça gratte bien. On va se faire plaisir, là, avec Baby Said sur FC Radio. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation and all of your ex-lovers. Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. Baby said, when you're talking, I go dead. Shut your mouth, give me your head. Try not to talk too loud. Maybe it's